ما هو الأسلوب الذي نقابل به الكفار الذين قدموا إلينا؟ هل نعاديهم أم هل نقابلهم الخلق وندعوهم إلى الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. Il a dit maintenant de quelle attitude devons-nous adopter avec les koufars qui viennent vers nous, dans nos pays. D'accord ? Est-ce qu'on doit faire preuve d'hostilité envers eux, ou est-ce qu'on doit leur donner un bon comportement pour les appeler à Allah Azza wa Jal ? Comment devons-nous nous comporter ? قال إذا استخدمنا هم وعطيناهم الأمان لا يجوز أن نعتدي عليهم أو ندرهم بل يجب العدل حتى يذهبوا طيب وينهوا عقدهم ويذهبوا إلى بلادهم لأنهم دخلوا بالأمان ونحن استخدمناهم فيجب أن نعاملهم مع نتعامل معهم بالعدل كذا دي سمين الغصم نلهم promis la sécurité alors il ne peut pas permis d'être hostile envers eux, ni de leur porter préjudice. Il est obligatoire d'être juste, avant qu'ils puissent repartir ensuite, et qu'ils aient trouvé justement l'engagement qu'on leur a donné. Et après, retourner dans leur pays. Car ils sont rentrés en sécurité. Nous avons reçu. C'est pas rentré, quand ils sont en cause, ils sont rentrés officiellement dans le pays. Donc ils ont droit à la sécurité. Donc on doit se comporter avec eux de façon juste. « La nazlimuhum wa nortihim hukukahum » Alors, donc on n'est pas juste envers eux, on leur rend leurs droits. أَمَّا مَحَبَّتُهُمْ فَنَحْنُ لَا نُحِبُّهُمْ وَلَكِنْ قَوْلُنَا نُبْعِدُهُمْ فِي اللَّهِ لَا يَقْتَدِي أَنَّنَا نَظْلِمُهُمْ أَوْ نَبْخَسْ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِمْ أَوْ نَعْتَدِي عَلَيْهِمْ Il a dit, par contre, on ne les aime pas. On n'en croit pas d'amour. Le fait de ne pas les aimer, comme il le dit, comme on déteste, ne veut pas dire qu'on est injuste envers eux. Ou qu'on leur nuit dans leurs droits, qu'on les laisse. Ou que nous soyons hostiles envers eux. لأن الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى Il a dit que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, soyez les plus proches de la taqwa. لكن في المستقبل يجب أن ننهي استخدامهم ونستبدلهم بإخواننا المسلمين من العمال في البلاد الأخرى. Et cependant, une fois qu'ils sont venus et qu'ils repartent, on ne les reçoit pas une deuxième fois. Par contre. Et on les remplace par nos frères. À la place que ces gens-là qui viennent chez nous pour travailler, on prend des muslims pour travailler.